dans le veine de Yankee. Une dose, j'fais pas le bandit, j'suis bien gentil, mais pas gentil. Les gars m'ont dit, fais-leur sentir la haine que j'ai. J'suis au QG, j'rappe sans sujet, sans m'épuiser, un stipulé. Dans un grimoire, matière grise noire, j'écris le soir. C'est leur choix, sans souffle pour qui veut me voir. Mytho sur mytho, plus personne te croit. Des affiches prêts comme cheval de Troie. J'bouille les effets sur les toits. Y'a les molos, non pas vraiment. Sauvage, je mange des chefs au collant. Le mot aux commandes, dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. Ça peut te mêler, mêler, aller. J'suis sur raté, mais pas blindé. Avance un dé, j'fais pas santé. On passe le 2, c'est clair en fait. Mais qui suivra si j'en crée un minimum sans mes frères. Que le vent